bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Vite, on commence. Le show a commencé. Oh. Vite, là-bas, prenez vos places. Bien. As-tu un petit ringside pour moi, quelque chose? Ah, non, qu'on place, ouais. Pas de place. T'es sûr de ça? Pas de problème. Aucun problème. Suivez-moi. Vous arrangez ça tout de suite. Attention, marche. Oui. Hein? Hey. Vous de là. Pas de type, pas de table. Grand. Ah oui, prends ça. OK, prends ça. OK, merci, bonsoir. OK, madame. Savais-tu que ma femme, son chanteur préféré, c'est Roméo Laflamme? Ah ouais? Ça fait danser avec lui un petit temps de seconde. Ouais, ben ça, ça lui ferait bien plaisir parce que ça s'arrange. Oh. C'est déjà fait. Ah. Je m'en occupe personnellement. OK, fine. OK, pas de problème, M. Léo. Soyez là. Champagne! Oh, excusez-moi. Jackpot, mon Roméo, table numéro 3. Oh, mon petit poussin, chevalier d'honneur. Je dis que Big Daddy avait pas l'air content quand il a perdu ses culottes tantôt. Monsieur Ginette, la business, c'est ça. C'est la loi de la jungle, ça. C'est l'histoire de jeunes taureaux qui plantent les vieux taureaux. Dis-moi donc, là, pourquoi tu m'as amené ici, là? C'est quoi l'affaire, hein? Soir, ma belle, c'est ton soir. Ça va être la nuit de tes rêves. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, good evening et bienvenue. Welcome au French Kiss at the French Kiss. C'est mon grand plaisir à soir. It's my great pleasure tonight de vous annoncer, to announce to you, que l'une de nos plus grandes vedettes, one of our greatest stars, is with us here tonight, est ici avec nous ce soir. Et le voici, and here he is, l'époustouflant, the époustoufling, Roméo de Flame, La Flamme! Allô, allô, bienvenue au Lobster 93.0. Et oui, vous l'avez demandé en grand nombre, cette semaine, on discute de légendes urbaines. Un sujet dont il semble y avoir de la matière pour en parler pendant tout un Lobster. Mais, avant de débuter, c'est quoi une légende urbaine? Eh bien, selon la littérature, c'est une histoire moderne se rapprochant du mythe, pouvant emprunter à tous les genres littéraires et se répandant de proche en proche par le bouche à oreille ou par d'autres moyens populaires. Aussi nommée légende contemporaine, elle se rapproche de la rumeur ou du canular. Ce qui est bien avec une légende urbaine, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Certaines pour faire peur, d'autres pour amuser, d'autres qui sont vraies. Par exemple, juste là, sans chercher, un exemple de légende urbaine qui n'en est pas une, car je l'ai vraiment lu, je crois, dans le quotidien du Saguenay, et sans le vouloir, j'en ai été un peu le témoin. C'était dans le journal du Saguenay, le quotidien du 26 juillet 2009. À ce moment, j'étais en plein dans mes premières vacances d'été. Car oui, je prends plusieurs semaines de vacances l'été. Je commence par 3 semaines collées, ensuite retourne travailler 1 ou 2 semaines, repars en congé pour 2, retourne travailler pour 2, reviens en vacances pour 2, bref, c'était durant mes vacances. J'étais bien, il faisait beau. Et en descendant chez mes parents au Saguenay, tout juste passé l'étape, je vois sur le bord de la route quelqu'un qui fait du pouce. Les cheveux un peu bouclés dans le vent, habillé tout en cuir noir, de bas en haut. Évidemment que ça a attiré mon œil. Surtout que le pouce du pousseux était caché par un beau gant blanc. Comme il faisait chaud et que je me doutais qu'il y avait pas mal de moustiques, j'ai eu pitié du gars. Et je me suis arrêté à environ 100 mètres de lui sur l'accotement pour l'embarquer. Et en regardant dans mon miroir pour voir si ça en venait, tout ce que j'ai vu, c'est que la personne s'est mise à danser, a fait un genre de move de danse moonwalk et a ensuite disparu de ma vue. Il a disparu de mon rétroviseur et quand je suis débarqué pour lui faire signe que je voulais l'embarquer, il n'était plus là. Sur le coup, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit que c'était probablement un pêcheur ou un randonneur et qu'il était probablement rentré dans la forêt par un sentier que je ne voyais pas. Donc, je suis rembarqué dans mon auto et j'ai fini de traverser le parc des Laurentides. Mais c'est rendu à Chicoutimi que là, je suis arrêté au Tim Hortons sur le boulevard Talbot pour boire un café. Et la serveuse, gentille et pétillante, m'a demandé « Mon bon monsieur, prendriez-vous un journal avec votre café là-là? » Bien sûr, j'ai accepté. J'aime bien lire les journaux locaux quand je peux. Et c'est là qu'en buvant mon café, 2 laits, 2 sucres, qu'en page 22 dans la rubrique Art et spectacle que j'ai lu cette histoire étrange, que ça faisait plusieurs fois qu'un homme semi-blanc, semi-noir, avec le nez un peu tombant, un peu pendant, avait été aperçu plusieurs fois dans le parc des Laurentides, dansant et chantant. Il y avait le témoignage d'un certain Mario Tremblay, camionneur pour FedEx, qui disait « Ça fait déjà deux fois que je le vois. Il danse, il chante, c'est comme à TV. Michael n'a pas changé, toujours aussi bon. Et à chaque fois que j'arrête pour lui parler, il se sauve. Et quand je compte ça à ma Charlène, qui elle est une de ses plus grandes fans, elle me chiale car elle veut absolument que je lui fasse signer un autographe. » Bref, je vous passe le reste de l'article, mais selon tous les témoignages rapportés dans le quotidien, il ne fait aucun doute que la personne identifiée dans le parc est Michael Jackson. Donc oui, un peu comme Elvis, qui n'était pas vraiment mort et habitait plutôt sur une île à l'abri de ses fans, Michael aurait simulé sa mort et habiterait présentement dans un immense manoir souterrain avec Zoo dans le parc des Laurentides. Son manoir serait géré par une centaine de nains à son service qui lui ont juré fidélité et obéissance. Mais Mokmé, un des petits gens qui s'occupe du ravitaillement en nourriture à Chicoutimi, aurait laissé sous-entendre que parfois, ennuyé par cette vie recluse et souterraine, Michael ferait de petites apparitions comme ça sur le bord de la route pour revivre les sensations qu'il avait devant son public. Voilà, c'est un peu ça les légendes urbaines. Ici, évidemment, ce que je vous ai raconté n'est pas vraiment une légende urbaine, vu que je l'ai moi-même vécu et que le nombre de témoins est trop important pour que ça ne soit qu'une légende. Mais bon, voilà, c'est ainsi que débute ce Lobster. cas non! un contre un. Chop! La foule au délire. Voiture. Engagement. Engagement. Hein? Et c'est parti. Et Worsley reçoit le palais au centre. Face à Gretzky qui tire. Gretzky va se rhabiller et se retricoter un filet. Wayne? Ouais? T'as jamais eu l'impression que Benjamin n'est pas des nôtres? Ouais, t'as raison. On dirait que Benjamin voudrait qu'on se fasse aimer tout le monde. Même Led Zepp écrivait pas des chansons universelles. Ils ont laissé ça aux Bee Gees. Voiture! Voiture! Engagement! Engagement! Alerte rouge, Tessie à 10h. Salut, Wayne! Salut! Dis donc, ça va? Elle est vivante, Thierry, le jeu reprend. Ah. Engagement! Ouais, engagement! Engagement! Bon, parlons plus sérieusement de légende urbaine. Malgré que parler de ça sérieusement, c'est un peu un euphémisme. Mais je suis tombé par hasard sur une page wiki qui parle exclusivement des légendes urbaines et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est comme divisé par domaine. En premier, les légendes en lien avec l'histoire. En deuxième, les marques et enseignes. Et oui, on parlera de McDonald's tantôt. 3. Pays et continents. 4. Sciences. 6. Arts et cultures populaires. Mais avant tout, débutons avec une présélection de légendes contemporaines célèbres. Elles sont si célèbres que je les connais même pas. La première, l'autostoppeuse fantôme. L'autostoppeuse fantôme est une légende urbaine dans laquelle un autostoppeur, généralement une jeune fille habillée en blanc, mais aussi parfois un homme ou une femme âgée, fait de l'autostop la nuit et disparaît brusquement après être monté dans un véhicule, soit à l'approche d'un passage dangereux, soit en arrivant à une adresse donnée. Ce phénomène est connu un peu partout dans le monde et est généralement considéré comme appartenant aux légendes urbaines. Selon Jean-Noël Kaffereur, que je ne connais pas, un sociologue français, des récits de ce type ont été repérés et classés dès 1942, mais on en trouve déjà dans la littérature des années 30. Et pour se faire plaisir, on va lire un témoignage véridique en lien avec cette légende. Un vicaire revenait avec deux compagnons d'une fête de la Chandeleur à Västergötland, à la ville de Vadesna en traîneau. Bon, de l'autostop en traîneau, ça part bien. Ils s'arrêtèrent pour prendre une jeune fille sur le bord de la route, puis firent halte dans une auberge pour se désaltérer. La fille demanda à boire et se vit offrir un broc, mais elle n'en but pas. Le vicaire, surpris, observa que la bière s'était changée en malt. Un second broc lui fut apporté et, à la consternation générale, il se changea en gland. Le vicaire, apportant un troisième broc, il s'aperçut que son contenu se transformait en sang lorsqu'elle le saisit. À ce moment, la passagère annonça « Il y aura des bonnes récoltes cette année. Il y en aura assez de fruits sur les arbres. Il y aura aussi de nombreuses guerres et épidémies. » Après avoir délivré cette prédiction, elle disparut. Ouais, c'est assez épeurant. La deuxième légende ou rumeur célèbre est la rumeur d'Orléans. Selon la rumeur d'Orléans, de jeunes femmes auraient été endormies puis auraient été enlevées par des souterrains creusés sous des cabines d'essayage dans les grands magasins ou les spécialistes de lingerie féminine. Une personne a même entendu parler d'un sous-marin venant les chercher de nuit dans le cadre d'un réseau de traite des blanches. Bon, assez intriguant pour que j'aille lire la version longue. La rumeur d'Orléans est une affaire médiatique et politique qui se déroule en 1969 à Orléans et qui a pris de l'ampleur dans la France entière. Selon la rumeur transmise par bouche à oreille, des jeunes femmes sont enlevées dans les cabines d'essayage de plusieurs magasins de vêtements de la ville, tous tenus par des Juifs, en vue de les prostituer à l'étranger dans le cadre de la traite des Blanches. Dans une version encore plus délirante de cette histoire, les souterrains sous les cabines aboutiraient sur la Loire, où les clientes disparues seraient prises en charge par un sous-marin de poche pour les livrer au Moyen-Orient. C'est très intriguant. Je pense que c'est le genre de cas que notre agent X-13, espion canadien, aimerait bien enquêter. Donc, si on a des auditeurs qui ont été témoins de disparitions étranges dans les cabines d'essayage, merci de m'envoyer un petit message avec les détails. On va mettre l'espion canadien sur le cas. Troisième rumeur célèbre. Celle-là est très effrayante pour nous, hommes de tout acabit, et montre l'effet dévastateur que peut avoir une légende urbaine sur une population un peu trop crédule. Il est question ici d'un rétrécisseur de sexe, une personne qui serait capable de réduire la taille des pénis des hommes dont il serre la main. D'authentiques lynchages ont eu lieu de personnes accusées d'en être un. Ceci est une rumeur ayant cours essentiellement en Afrique subsaharienne. Ces personnages, des sorciers créés par une rumeur locale à Bamako, ont suscité des mouvements de panique et de révolte à l'origine de près de 300 morts et de plus de 3000 blessés. J'ai même trouvé un long texte là-dessus. Je voulais un petit bout de récit d'un voyageur qui fut mis face à cette rumeur. Dimanche 26 octobre 1997, 19h. Il pleut sur Bamako. En cette toute fin du mois d'octobre, les pluies devraient avoir cessé depuis longtemps, ce qui pourrait être une aubaine pour l'éternel assoiffé que le paysan sahélien se transforme alors en son pire cauchemar. L'eau miraculeuse vient trop tard et menace les récoltes. Dès le lever du jour, la circulation fait trembler la ville comme un gigantesque shaker agité au rythme lancinant des douri-dourouni, déglingués et des soutres-à-mâts vers bouteilles. Ces taxis collectifs, véritables frégates pirates qui prennent d'assaut le macadam comme jadis elles éprenaient les navires négriers, sans hésitation ni remords, violemment, dans un fracas de klaxons, d'injures et de tôles froissées. « Continue !» me dit Adama, pupille écartillée et visage rivé sur le pare-brise. « Tu finiras par comprendre !» Je feuillette donc et décline à voix haute les dernières nouvelles. « Page 3, je sens que je brûle !» Lynché par la foule pour le vol d'une antenne TV5, le jeune voleur est mort de ses blessures à son arrivée à l'hôpital Gabriel Touré. « Tu veux parler du lynchage ?» Il m'encourage du regard. En bas, sur la même page, je vois enfin. Hier, à l'autogare, un Haoussa accusé d'être un rétrécisseur de sexe échappe de justesse à la mort grâce à l'intervention de la police qui disperse la foule qui le lapidait. Je tombe de haut. J'étais persuadé que cette affaire était terminée. Depuis le mois d'août exactement, quand elle avait été signalée à Nouakchott en Mauritanie, sur un marché au pied des premières dunes du Sahara. Mieux, par mandingophilie excessive, je pensais que le Malien aurait dû échapper à cette fièvre qui enflamma, durant un an, la moitié du continent. Une centaine de morts et l'angoisse semée dans la plupart des grandes villes. C'est au début d'août 96 qu'est née officiellement la rumeur des rétrécisseurs de sexe dans le berceau fétichiste et indépendantiste de la province anglophone du sud-ouest camerounais, dans les faubourgs de Limbé, aux bourgades pétrolières situées à la frontière du Nigeria. Au départ, des bruits, colportés, amplifiés sur les marchés et les gares routières par radio-trottoirs, récits angoissés de voyageurs annonçant l'arrivée imminente par les plages, illuminés jour et nuit par des torchères des champs de pétrole, d'individus au pouvoir maléfique venus du Nigeria voisin, ceux qui font disparaître les organes génitaux de ceux qu'ils effleurent par le simple contact d'une poignée de main. Ces sorciers seraient des Haoussa, les colporteurs renommés de l'Ouest africain pour la magie des médicaments qu'ils fabriquent, notamment de fantastiques aphrodisiaques. À la mi-août, le Cameroon Post, hebdomadaire de langue anglaise, fait pour la première fois état d'émeutes suivies de lynchages dans les bourgades de Limbé, Tiko, Mouéa et Batoké, toutes situées au pied des monts Cameroun à un vol de Bussard de la frontière. Devant l'ampleur du phénomène, les forces de sécurité sont mises en alerte et opèrent rapidement de nombreuses arrestations dans la communauté nigériane de la bourgade pétrolière de Limbé, changée en cocotte minute par la rumeur qui, selon l'hebdo, le messager, couvait depuis le Noël précédent. Toute personne suspectée de sortilège sera désormais mise en garde à vue. Une façon comme une autre de protéger les suspects du lynchage en passe de devenir le sport local quotidien. Ce qui n'empêche pas les émeutes de se multiplier. 3 morts et une dizaine de blessés en l'espace d'une seule semaine. Dès lors, chacun connaissant au moins quelqu'un qui a vu ou connaît quelqu'un qui a vu quelqu'un dont le sexe a été rétréci par un Nigérien, la psychose gagne à une vitesse fulgurante. Elle emprunte les transports en commun, gagne les villes voisines jusqu'aux environs de Douala et remonte vers le centre du pays. Tous les hommes se promènent les mains bien enfoncées dans les poches et refusent d'échanger des poignées de main, s'inquiète l'AFP dans une dépêche du 20 août 1996 émise de la capitale Yaoundé où la rumeur qui est annoncée fait craindre l'embrasement de la ville. Le risque est réel car la cité ne s'est jamais vraiment remise de cette terrible année 78 ou pareille rumeur, imputée à une sorcière irascible, avait obligé les habitants à protéger de palmes le seuil de leur maison, seul remède magique capable de détourner le courroux démoniaque. Cette même année, les Camerounais s'en souviennent encore avec effroi. Dans le sud, non loin de Limbé comme par hasard, les jours de marché des malfrats faisaient disparaître le sexe des hommes et déplaçaient sur le front celui des femmes. La trame de cette rumeur naissance n'est pas le fruit d'un délire collectif, mais la projection imaginaire des conséquences d'un fait avéré, une escroquerie montée par de faux colporteurs de médicaments, mais qui sont de vrais charlatans ambulants. Le scénario de leur arnaque, pratiqué par un duo de compères Haoussa gonflés, serait invariable dans le pays que la rumeur va traverser. Toujours le même film. Sur un marché, une gare routière, à un carrefour, un étranger demande des renseignements à l'Autochtone et lui serre la main ou lui tape sur l'épaule. Puis, il poursuit son chemin. Alors, tout va très vite. La personne touchée par l'inconnu éprouve un frisson glacial ou bien une chaleur intense, des picotements ou encore de vives démangeaisons. Autant de signes qui annoncent la disparition imminente du sexe qui aussitôt se recroqueville, pire qui disparaît au plus profond du corps. Comme par miracle, un complice s'approche de la victime désemparée. Il assure posséder les médicaments permettant au sexe de recouvrer sa taille initiale. Il peut même les lui vendre contre une coquette somme, une sorte de rançon qui varie selon les lieux et la qualité des victimes, de 5 000 francs CFA, environ 7,5 euros, à 700 ou 800 000 francs CFA. Une telle crédulité sur fond de magie pourrait a priori faire sourire si elle n'entraînait pas la mort d'homme. Mais c'est ainsi que sont les superstitions ancestrales dont l'origine mythique se situe, dit-on, au cœur des ténèbres de l'Afrique centrale. Quand même, c'est du sérieux cette légende urbaine. On prend une petite pause musicale. On prend une petite pause musicale avant de poursuivre. On arrive à la première section des légendes urbaines, la section histoire. Bon, on n'ira pas en détail dans toutes les sections pour pas avoir un lobster qui dure 53 heures, mais je vais lire et sortir ce que je trouve le plus intéressant des différentes sections. Je vous lis les deux premières rumeurs de la section histoire pour vous donner le ton. Peut-être que vous les avez déjà entendues courir. 1. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis seraient le fruit des services secrets israéliens qui désiraient faire porter la faute aux militants islamistes. Et l'attaque du 11 septembre 2001 contre le Pentagone n'aurait pas été réalisée au moyen d'un avion détourné, mais à l'aide d'un ou plusieurs bombes ou missiles. Bon, il y a plein de détails sur ces deux rumeurs, mais elles ne m'intéressent pas. Je pense que j'ai eu ma dose d'informations du pays de Donald Trump, des complotistes et autres. Now Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, no, you're in South Carolina. Joe, you're in South. They come up and you ever see the guy the note? No, no, it's South Carolina, it's not Ohio. Okay. Then he goes, all right, Iowa? Did you say Iowa? No, no. He did that like seven times. If I did that once, it would be the end of the road, right? Be the end of the road. They'd say Trump has lost it. They like to say that anyway, I guess, huh? These people are bad people. Oh, Sleepy Joe. Oh, he's running tomorrow. Maintenant, les légendes urbaines liées à des personnages célèbres du 20e siècle. Adolf Hitler. Adolf Hitler ne se serait pas suicidé. Cette légende était courante dans les journaux à sensation des années 50 et 60. Étant né en 1889, on peut néanmoins supposer qu'il est mort à l'heure actuelle. L'hypothèse de sa survie, naturelle ou artificielle, a cependant inspiré beaucoup d'histoires de science-fiction. En 2009, à la demande de la chaîne de télévision History, qui réalise un documentaire intitulé Hitler Escape, qui traite de l'hypothèse de la fuite du dictateur, l'Américain Nick Bellantoni découvre que le crâne que l'on attribuait à Hitler est en réalité celui d'une jeune femme. Des tests ADN réalisés aux États-Unis sur les échantillons ramenés par l'archéologue confirment ces dires. Selon Nick, le crâne ne serait pas non plus celui d'Eva Braun. Les témoignages affirment qu'elle se serait suicidée elle au cyanure et non par arme à feu. Ici, si je peux apporter mon petit grain de sel, je crois qu'Hitler et Elvis auraient toutes deux habité un certain temps dans le manoir du Pacte des Laurentides avant que le manoir ne soit repris par Michael Jackson. Et ici, c'est un de mes amis qui connaît une personne qui travaille à l'étape qui m'a confirmé que l'histoire serait vraisemblablement, possiblement véridique. Paul McCartney. Maintenant, Paul McCartney aurait péri dans un accident de voiture en 1966 et serait depuis lors remplacé par un sosie. Bon, pour ceux qui ont vu la série V, vous le savez, ceci est très plausible. Ce sont des vaisseaux extraterrestres en provenance de Sirius à 8,6 années-lumière qui ont apporté ces lézards dirigés par Diana et qui ont commencé à remplacer différentes personnes influentes sur Terre, dont Paul McCartney. Par exemple, nous au Québec, on a François Legault, Lucie Laurier, le Doc Mayou et Francis Reddy qui ont depuis longtemps été remplacés par des sociétés. Pendant qu'ils nous font nous concentrer sur des choses comme la pandémie, sur le vin ou autres sujets divers, eh bien, les lézards pompent en cachette l'eau que l'on retient dans nos barrages d'Hydro-Québec et l'objectif derrière ça, pour eux, c'est de ramener ça sur leur planète. Bon, en passant, la réponse est non. Pour ceux qui se demandent si Michel Richard a été remplacé par un sosie, la réponse est non. Il paraît que la rumeur est fausse. Aucun lézard n'aurait voulu jouer son rôle. Autre rumeur maintenant sur un personnage célèbre. George Washington, enfant, aurait abattu un cerisier que son père aimait beaucoup et lorsque ce dernier demanda qui avait fait ça, George répondit « Père, je ne peux vous mentir, c'est moi ». Son père aurait été tellement touché par sa sincérité qu'il ne le punit pas. Cela renforça l'image positive de Washington, surnommé « The man who could not tell a lie », l'homme qui ne pouvait mentir. Tout ça nous amène maintenant à la deuxième section du wiki, les légendes urbaines en lien avec les marques et les enseignes. Mais avant, une petite pause. Mon poussin, qu'est-ce qui... Je suis un roquemoute. Oh mon Dieu, Eric. Aide-moi. Bien, toutes ses constantes vitales sont normales, mais vu son aspect extérieur, je dirais qu'il est atteint d'une déficience pigmentaire standard. Vous voulez dire ? Oui, j'ai bien peur que votre fils ne souffre d'une rouquinitude. Et comment j'ai pu devenir un rouquin ? J'étais pas comme ça hier soir ! Le gène des taches de rousseur et des cheveux roux est un gène récessif. Il a dû rester endormi dans ton corps jusqu'à l'orée de l'adolescence. Alors je vais rester comme ça pour toujours ? Oui, je suis navré. Madame Cartman, puis-je vous dire un mot ? Je sais que cette épreuve doit être vraiment difficile pour vous. Personnellement, je n'ai jamais pu supporter les rouquins, mais vous devez bien comprendre qu'il n'existe aucun traitement. Votre fils restera roux toute sa vie. Peut-être que vous souhaiteriez le faire piquer. Oh. Excusez-moi, docteur, mais figurez-vous que ma maman, elle m'aime, et elle se fout que je sois un rouquemout, hein, maman? Maman? Maintenant, les légendes urbaines sur les marques et enseignes. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Big Mac, McDelty, un quart de livre avec fromage et les poissons, hamburger, un cheeseburger. McDonald's, il y a plusieurs rumeurs sur eux. 1. Les piscines à balles pour enfants de McDonald's contiendraient des ordures, du vomi, des excréments, des seringues usagées et des serpents venimeux. 2. Les hamburgers contiendraient un produit contre le vomissement car les sandwichs seraient trop gras pour être normalement digérés par l'organisme. 3. La marque blanche que l'on peut parfois observer sous le pain n'est pas une pastille anti-vomi, mais une imperfection formée pendant la décongélation. On ne vomit d'ailleurs pas davantage si l'on s'abstient de la manger. Un autre, les hamburgers de McDonald's contiendraient une telle quantité de conservateurs alimentaires qu'ils ne pourraient pas moisir même après plusieurs années. La moisissure ne se développe que dans certaines conditions, notamment d'humidité et température. Si ces paramètres ne sont pas réunis, l'aliment ne moisira pas, qu'il s'agisse d'un hamburger ou d'un autre produit. Contrairement aux allégations véhiculées par la légende, un hamburger placé dans des conditions adéquates développe rapidement des moisissures. Ici, je dois vous le préciser, la seule chose qui ne vomit pas et ne pourrit pas, c'est Michael Jackson. Son beau teint, son nez tombant, ne pourriront jamais, même après sa mort. Il a d'ailleurs demandé aux sept nains d'être empaillés s'ils ne bougent pas pendant plus de 30 jours. Maintenant, on passe aux rumeurs sur une personne que vous connaissez bien. Walt Disney. Plusieurs légendes ou rumeurs existent sur Walt Disney, mais ici, je pense que la plus populaire est celle-ci. J'y ai longtemps cru. Le corps de Walt Disney aurait été cryogénisé et serait stocké sous l'attraction Pirates des Caraïbes à Disneyland. Mais non, Disney a été incinéré et son urne déposée dans la crypte familiale au Forest Lawn Memorial Park à Glendale en Californie. Mais bon, sujet parallèle. Parlons de cryogénisation. J'ai lu ça dans le site de Radio-Canada, publié le 25 juillet 2011. Le père de la cryogénisation s'éteint. Celui qui avait créé la technique de cryogénisation, qui consiste à congeler le corps d'un défunt en attendant qu'il puisse revivre grâce au progrès de la science, est mort samedi à l'âge de 92 ans. Le corps de Robert Ettinger a été congelé immédiatement après son décès à l'Institut de cryogénie de Clindall Township au Michigan, qu'il avait fondé en 1976. Il repose aux côtés de sa mère et de ses deux épouses également cryogénisées. M. Ettinger, professeur de physique, avait publié en 1964 le livre « L'homme est-il immortel ?» et développait dans cet ouvrage la thèse selon laquelle il était alors possible de conserver le corps de façon à ce qu'un jour la science médicale puisse réparer les dégâts causés par la maladie et la cryogénisation. Cet institut à but non lucratif rassemble 900 membres dans le monde entier avec des associations de soutien en Russie, en Australie ou en Allemagne. Selon l'Institut, 106 corps y reposent. Et voilà, je voulais donner cette information. Il en coûte 28 000 $ pour être conservé indéfiniment, le corps plongé dans de l'azote liquide. Bon, on arrive maintenant aux légendes entourant... Viens comme un con, pour se trouver en tous autres. Ça t'en soif à dompter. Quand ça commence à être chaud. Quand t'en as roulé un coup. Quand t'as pédalé toute la journée, on s'est trouvé entre nous autres. Quand t'as une grosse soif sur les bras, qu'on t'ajoute à nos plaisirs le goût du... Quand tu l'as, tu l'as. Et oui, les légendes urbaines entourant Coca-Cola. Le Coca-Cola contiendrait des acides assez forts pour dissoudre une dent, un clou, une pièce d'une scène ou un morceau de steak dans un verre en une nuit. Non seulement le Coca-Cola ne peut pas dissoudre tout cela, mais d'autres aliments ou boissons comme le jus d'orange par exemple présentent la même acidité. Donc dans tous les cas, le taux d'acidité est trop bas pour endommager le système digestif. Une autre légende urbaine dit que le Père Noël aurait été inventé par Coca-Cola pour une publicité. Une variante de cette légende serait que le Père Noël portait à l'origine un costume vert et serait aujourd'hui représenté en rouge à cause des pubs de Coca-Cola. Il existe en fait des images du Père Noël bien antérieures à la publicité en question, présentant bien souvent le Père Noël dans un costume rouge. Cela dit, les publicités Coca-Cola ont quand même contribué à populariser l'image du Père Noël. Un autre, le mélange du Coca-Cola et d'un bonbon Mentos aurait provoqué la mort d'une personne ayant ingéré les deux produits en même temps. Eh bien, cette légende est apparue sur Internet peu de temps après les nombreuses vidéos montrant des geysers produits en plongeant un bonbon Mentos dans du Coca-Cola. Même si les effets produits par l'ingestion de ces deux produits sont assez désagréables, ils ne sont pas mortels. Le phénomène de geyser est purement physique, il ne libère ni acide ni substance toxique. Donc, même si vous avez lu cette légende sur Internet, ce ne serait pas vrai. Et moi qui pensais que tout était vrai sur Internet, j'en reviens pas. Ça va me prendre une pause, car en plus, on n'est même pas à la moitié de la page wiki des légendes urbaines. Donc partons en pause musicale. Yeah! Encore un gros bloc de légendes urbaines avant de conclure. On est rendu à la section de légendes urbaines qui se nomme « Pays et continents ». Et je trouve que c'est la section la moins intéressante. Donc, je vais passer vite, je ne vous parle que de quelques légendes de cette section. Légende parisienne. La ville de Paris a inspiré, en raison de sa taille, de sa diversité de population et des multiples activités qui s'y pratiquent, une quantité de légendes et rumeurs. Une légende dit que dans les égouts de Paris survivraient des alligators ramenés bébés de Floride ou d'Afrique par des touristes et ensuite jetés dans les toilettes lorsque leur taille les rend impossibles à concilier avec une vie d'appartement. Eh bien, il est impossible que des alligators puissent survivre longtemps dans les égouts. L'eau y est trop mauvaise, de trop mauvaise qualité, et comme tous les animaux à sang froid, les sauriens doivent pouvoir s'exposer à la lumière du soleil. Cependant, on dit ici que le service responsable des égouts de cette ville de Paris a trouvé en mars 1984 un petit crocodile du Nil d'environ 80 cm sous le quai de la Mégisserie. Le reptile était toujours vivant en 2012 à l'Aquaterrarium du parc du Golfe à Vannes. Il s'était échappé d'une animalerie du quai de la Mégisserie et aurait survécu en égout pendant quelques semaines. Une autre légende urbaine insinuerait que la pyramide du Louvre serait composée de 666 plaques de verre, un symbole satanique. En fait, la pyramide est constituée de 603 losanges et 70 triangles de verre, soit 673 panneaux. Il suffit donc à nos lobsters parisiens d'aller en casser 6 pour atteindre le nombre 666 et rendre cette légende véridique. Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Un autre, l'archipel des Bermudes est réputé pour abriter nombre de personnalités du spectacle prétendument décédées, mais qui continueraient à y vivre à l'abri de leurs fans. Ici, c'est vrai, c'est là qu'Elvis, Michael Jackson et Patoff le clown alternent leurs vacances entre le manoir du parc des Laurentides et l'île des Bermudes. Maintenant, une section intéressante. On arrive aux légendes liées à la science. Premièrement, poils, cheveux et ongles. Porter un chapeau bloquerait la circulation du sang vers les bulbes capillaires et provoquerait la calvitie. Moi, longtemps, j'ai porté une casquette et tout porte à croire que j'ai plus ben de cheveux. Donc, c'est peut-être vrai. Maintenant, légende liée à la mort. On perdrait 21 grammes juste après sa mort, ce qui correspondrait au poids hypothétique de l'âme humaine. Cette théorie des 21 grammes a été élaborée par un médecin américain en 1907. Elle est fortement critiquée pour le manque de rigueur de l'expérimentation et n'a jamais été confirmée. Légende en alimentation. Se baigner moins de 3 heures après avoir mangé paralyserait le corps par hydrocution et provoquerait alors la noyade. Bon, ça, il me semble que nos parents nous racontaient ça. Ils nous disaient « Attends avant d'aller te baigner, tu viens de manger ». Eh bien, c'est faux. Mais néanmoins, les heures suivant l'heure du dîner, étant les plus chaudes de la journée, elles sont plus propices à l'hydrocution. Bon, si comme moi, l'hydrocution vous dit pas grand-chose, eh bien voici sa définition. L'hydrocution est une forme de noyade provoquée par une immersion brutale dans l'eau froide. Un contact qui entraîne une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins. Donc, si tu sautes dans l'eau froide, ben ton corps se contracte puis tu coules. Ça arrive. Maintenant, dans le domaine de la sexologie, il y a cette légende tenace. Pratiquer la masturbation rendrait sourd et aveugle. Quoi? Maintenant, une légende urbaine qu'on entend parfois en neurologie. On n'utiliserait que 10% de notre cerveau et certaines personnes peuvent profiter de capacités exceptionnelles en débloquant certaines zones du cerveau. Ça, c'est appelé le mythe de l'utilisation incomplète du cerveau. Et cette légende urbaine, qui n'a pas de bien fondé scientifique, trouve son origine simplement dans l'observation du fait que certaines personnes développent des capacités qui sont hors du commun. Donc, il y a simplement des personnes qui sont plus intelligentes. Bon, on approche de la fin. Voici une légende tenace. Les gens du Moyen Âge croyaient que la Terre était plate. Et malheureusement, il y a encore certains oiseaux qui y croient de nos jours, mais ce sont plutôt eux qui ont la tête plate, je crois. Un autre qu'on entend parfois, les Américains n'auraient jamais marché sur la Lune. Les images auraient été tournées en studio avec divers trucages et décors artificiels et auraient d'ailleurs même été réalisées par Stanley Kubrick qui venait de tourner 2001, l'Odyssée de l'espace en 1968. En fait, ce qui a aidé à porter ce mythe, c'est qu'un faux documentaire a été réalisé par un certain William Carell sur le sujet qui s'appelait Opération Lune. Ensuite, un livre a été écrit en reprenant ces fables par un certain Philippe Lheureux dans Lumière sur la Lune. Donc, comme on voit, certaines légendes sont portées par divers supports, ce qui lui permet de vivre dans l'imaginaire collectif. Pour ceux qui ont aimé ces petits détails sur les légendes urbaines, je vous invite à aller consulter la page Wiki « Liste de légendes urbaines ». De mon côté, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Eh bien, sur ce, je pense que ça va être ma dernière intervention dans ce Lobster 93.0. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à m'envoyer via le site Facebook du Lobster un message, vos suggestions de sujets, vos demandes musicales, votre argent et vos Pokémon. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Tiens, répurgateur, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je vous cherchais. Bonjour. Non, oh, m'adresse pas la parole, hérétique, démon! Excusez-moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Vous me suivez, là? Je vous attends. Alors, vous voulez me voir? Oui, tout à fait. D'ailleurs, au passage, je vous remercie. Hein. Vous êtes toujours à l'écoute d'autrui. Vraiment, quand on veut le voir, on peut le voir. C'est extraordinaire. Vous êtes vraiment un roi très, très à l'écoute. Et c'est extraordinaire. Hein? D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fatras? Alors, c'est une loi que je voulais soumettre à votre ratification. Une loi toute simple, toute bête. Voilà, il faut juste signer. Hein? Et le roi, vous avez donné un accord de principe ou... Ah bah non, ça, justement, je ne me souviens pas de ça. Ah oui, non, mais c'est bon ça. Hein. Je ne vais pas vous ennuyer avec toutes les réunions, des conférences, des blabla. Hein. D'autant que vraiment, vous avez autre chose à faire, vous travaillez énormément. Et puis, le public apprécie, je crois, cette attitude, puisqu'il est vraiment... On avance. Le peuple vous acclame. Oui, alors, voilà. Hein? Rapport à la loi. Alors, tout a été pré-mâché, hein, c'est bon. Je vous dis qu'à signer en bas à droite, voilà, concernant. Là? Ici, ouais. Voilà, tout à fait. Pardon. Ici, hein. Oui, d'accord. Simplement, remémorez-moi un petit peu de quoi il s'agit, à peu près. Pour la loi? Oui, pour la loi. C'est une loi qui interdit la polygamie. Donc si je comprends bien, on pourrait plus avoir plusieurs femmes en même temps. Non, on pourrait plus avoir plusieurs femmes. C'est ça, ce serait juste une à la fois. Ah non, juste une. Comment ça, juste une? Je comprends rien. Je comprenais rien. Bon, vous par exemple. Non, pas moi. Ah bon? Bon bah vous par exemple. Ah non, moi ça n'a rien à voir. Moi j'ai juré de ne donner mon âme qu'au véritable amour, dont la pureté n'aurait d'égal. Voilà, c'est lui c'est chiant, c'est un peu spécial lui. Bon bah vous par exemple. Non, pas moi, prenez lui. Moi ? Oui, non, c'est vrai, non, pardon. Bon, bah, moi, alors. Bon, vous, par exemple, votre femme, c'est Guenièvre, notre reine bien-aimée. Oui, et alors ? Bon, alors, vous êtes d'accord que, de temps en temps, hein, vous avez eu des petites histoires, hein ? Hein, vous allez pas le nier, ça, hein, des petites histoires avec des petites paysannes, hein, qui étaient toujours pas très propres, hein, puis des petites jeunes filles qui étaient dans votre lit pour des raisons, hein, pas bien claires, hein, c'est pas joli joli, hein, c'est moche, hein. Bon, d'accord. Bon, alors, votre femme, c'est Guenièvre, notre reine bien-aimée, donc vous n'êtes qu'avec Guenièvre, un point final, et c'est tout. Voilà, vous signez là, pardon. Je suis qu'avec Guenièvre, et... Et c'est tout, un point, c'est tout, point final, vous n'allez qu'avec Guenièvre, notre reine bien-aimée, qui est notre reine bien-aimée, vous signez un point final, c'est tout, pardon. Je vais réfléchir un peu encore. Mais sire... Non, par contre, non, mais c'est pas de problème, c'est très intéressant. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais pourquoi pas. Non, c'est moderne. C'est ça, c'est intéressant, mais il faut faire attention simplement que ce soit pas trop moderne, voilà. Ça, posez-le ça. Je dis que vous devriez vous débarrasser de ce type avant qu'il ne répande ses idées ridicules dans tout le pays. De toute façon, à force de gonfler tout le monde, un de ces quatre, on va le retrouver pendu à un arbre, il ne demandera pas d'où ça vient. Une seule femme, quelle idée. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, alors? Et puis vous vous ennuieriez avec une seule femme, vous, non? Oh putain, ouais. Par contre, il y a une chose à laquelle on pourrait réfléchir, c'est à autoriser la polygamie pour les femmes. Non. Pourquoi non? Non, attendez, mais vous rendez compte, après ça... Bon, allez, vous signez la loi, s'il vous plaît. Non, je vous ai dit, je la signe pas. Bon, attendez, vous signez la loi, et puis de temps en temps, vous pouvez aller voir toutes les jeunes femmes que vous vouliez, comme avant. Allez-y, ouais, continuez. Et puis, vous venez me voir en confession. En confession? Et je vous expliquerai. Ça prend 5 minutes, et puis après, on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Vous trouvez pas que les loups sont agités en ce moment? Si. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est un mauvais présage, ça. Quand les loups sont menaçants dans la nuit, le plus souvent, c'est que le diable s'apprête à sortir. Si vous dites ça pour me faire peur, c'est pas très malin. Mais vous me posez la question, je vous réponds. Les dieux sont en colère, Arthur. L'esprit des loups gronde. Tu dois l'écouter. Sans quoi ton royaume tombera dans la bise de l'oubli. Pourquoi il me tutoie à chaque fois, ce con? On n'a pas gardé les chèvres ensemble, que je sache. Sûrement histoire de montrer qu'il craint personne. Non, Bully, c'est un genre qui se donne aussi. Il se l'est toujours un peu pété. Je vous signale que j'entends tout ce que vous dites. Bon, les dieux sont en colère, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La forêt exige un sacrifice. Oh, stop. Non, mais ça va, mais on peut causer quand même, non? Ah non, mais ça c'est rien, ça. C'est quand je lève le bras, j'ai le bâton qui s'allume. Vous inquiétez pas. Un sacrifice? Vous êtes vraiment sûr? Enfin, je croyais que ça se faisait plus depuis longtemps, ces trucs-là, moi. Si, une bestiole loup de temps en temps, à la pleine lune, ça marque le coup. Mais qu'est-ce qu'il vous faudrait au juste à sacrifier? Un bouc? Ah non. Là, c'est un cas de force majeure. Il me faut un être humain. Mais quoi comme être humain? Peu importe. Quelque chose de sérieux, c'est sûr. Si vous me refilez le pecno du coin à moitié moisi, ça passera pas. Si c'est l'esprit des loups qui réclame, il faut du frais. Exact. Et de préférence, une femme. Une femme? Il n'en est pas question. Bah pourquoi? Non, sire, tout de même. Mais quoi, sire, tout de même? Non, mais c'est vrai que vous êtes chiant avec vos principes, des fois. Alors, une femme, c'est intolérable, et puis un homme, ça va, on peut en décaniller 10 par jour. Excusez-moi, sire. Et attention, je dis une femme, mais vu la colère de l'esprit des loups, il va pas me falloir une morue de la taverne. Bon, mais qui, alors? La reine. La reine? Il n'en est pas question. La reine, c'est ma femme. C'est ma fille. Non, moi, c'est personne, mais je trouve ça inadmissible. Moi, je vous préviens, si l'esprit des loups se met en colère, ça va pas être une partie de rigolade. Allez. Un beau geste. Elle souffrira pas. Non, mais n'insistez pas. Je vous refilerai pas la reine. Mais pourquoi? Mais parce que je m'y suis fait. Ça a pris assez de temps comme ça. Je commence à peine à supporter sa présence. Excusez-moi, beau-père. Oh, mais moi, je vous admire, hein. J'ai jamais pu, moi. Bon, voilà. En tout cas, c'est pas pour l'envoyer se faire sacrifier maintenant sous prétexte que machin des loups est pas jouasse. C'est l'esprit des loups. Oui, l'esprit des loups, il ira se trouver quelqu'un d'autre que ma femme. Vous avez tort de prendre ça à la légère. Si dans un mois, tous les loups sortent de la forêt pour nous attaquer, vous ne demanderez pas d'où ça vient. N'ayez crainte, sire. Je protégerai la reine de la férocité des bêtes de la nuit. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. fait une connerie, moi. Lost inside, I dream and I care. vous tente d'être habillé chic pour moins de 100$? Comment faire? C'est simple. Venez chez Daniel Spécificité. C'est moi, Daniel, 33 ans, qui vous sers depuis plus de 40 ans. Ton métier t'oblige à t'habiller? Ça tombe bien, le mien m'oblige à vendre du linge. Que ce soit tenue de ville ou bien sport, je t'habille de la tête aux pieds. Ferme tes yeux puis laisse-moi faire. Je fais l'essayage, le touchage puis le retouchage gratis. La mode change, vous êtes fiers, vous voulez la suivre. J'ai des habits carottés qui résistent à toutes les époques. Des souliers en crocodile qui font quick-quick, des chemises qui piquent même pas, vous ferez sensation à la messe. Faites comme moi! Venez chez Daniel Spécificité de l'autre bord du pont à deux pas de l'asile. Quand t'entends crier, c'est la deuxième porte à droite. Vous avez ma parole, puis c'est moi qui parle. Ici Daniel qui vous dit une belle habit à un prix tout aussi ridicule. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Ah, comme nous aimions ces voyages d'autrefois en famille. Retournons vers ce passé pas si lointain où une randonnée Montréal-Rigaud en carriole pouvait se transformer en expédition de plusieurs semaines. C'est en allant à Rigaud qu'une poutine, poule à poutine, fifui. Les enfants, j'aurai une belle surprise. On s'en va à Rigaud. Pas encore Rigaud! On connaît personne à Rigaud! C'est pas grave, on se parlera entre nous autres. Fiston, va atteler le cheval après la carriole. Hé, hey, le père, y a plus de cheval. Ah, le chien l'aurions probablement mangé. Ben, tu tireras la carriole, tu gars. Quand tu seras tanné, tu le diras. Je te donnerai des coups de fouet. J'avions préparé un lunch, mon mari. Coudon, ma femme. Tu sentions donc ben mauvais aujourd'hui. Ben, toi aussi. C'est pas pareil. Moi, je me lave pas. Bon ben, c'est qu'ils ont le temps de partir. Hourra! Et notre fol équipage prenait la route. Père, toujours préoccupé par son rôle d'éducateur, prenait plaisir à nous faire découvrir le paysage. Regardez ça, les enfants! Un paysage! Et il s'extasiait devant les merveilles de la nature. Ah ben, une roche! Puis, bien sûr, il y avait les inévitables problèmes que père se faisait un plaisir de résoudre. Hé, hey, le père, t'as mis de tirer à carriole. Comprends ça, fiston. Mets-toi en arrière, puis pousse. Si on lunchait, j'avions préparé de la soupe au pois. Je vais avoir le pois. Non, moi. Tu l'as eu la dernière fois. Le pois est disparu. Le chien l'aurions probablement mangé. Papa, on pouvions pas repartir. Il y a une des roues qui a cassé. Ça doit être encore le chien, ça. Ben, mets-toi en petite boule, mon gars, puis rentre-toi les cieux dans la bouche. Ça devrait rouler. Et nous reprenions la route, quand soudain, enfin, c'était Rigaud. Bon ben, v'là Rigaud, on peut s'en retourner. Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie, non. Et c'est ainsi que se termine ce petit film, ma foi, fort sympathique. Alien mon petit avec vous à Cinequiz, et nous avons bien sûr des prix à vous décerner aujourd'hui. J'appelle la première concurrente, il s'agit de Madame Brossard, de la rue Brossard, à Brossard. Oui, allô? Oui, Madame Brossard. Oui, allô? De Brossard. Oui. Alien mon petit avec vous. Et avec votre esprit. Avez-vous regardé Cinequiz aujourd'hui? Cinequiz? Cinequiz, quiz comme Nestlé Quiz, mais Cinequiz. Oui. Avez-vous aimé le film? Ah oui, il y avait des comédiens, puis on croyait l'histoire. J'ai bien aimé ça. Bon, pourriez-vous nous dire le titre du film? Oui, c'est Bimbo, l'enfant du cirque. Non, ça c'était le film d'hier, Madame Brossard. Ah oui, excusez-moi, c'est J'aurai ta peau, Sartagnan. Exactement. Yeah. Et pourriez-vous me résumer un peu l'histoire? 1968, film Tenny de Giacomo. Un justicier sans reproche délivre une petite ville de méchants désespérados qui l'assaillent. Film de série B, acteur moyen mal dirigé, exploitation d'érotisme, voilà. Eh bien, bravo! Vous savez que vous vous méritez des prix? Ah oui? Georges? Merci, Alien! Madame Brossard de Brossard se mérite un gros paquet de cochonneries! Oh. Est-ce que c'est tout, Georges? Non, Alien! Madame Brossard est éligible à notre tirage hebdomadaire d'une boîte à gâteaux aux bananes Dunkin'Himes! Oh! Quoi d'autre, Georges? Stand masse! Êtes-vous contente, Madame Brossard? Je crois rêver! Eh bien, bravo! Alors, bonjour, Madame Brossard! Bonjour, monsieur mon petit! Alors, je n'ai plus le temps que de vous inviter à Cinequiz demain, alors que nous vous présenterons un film avec Jerry Lewis, une désopilante comédie qui s'intitule « Ferme ta grand gueule, Jerry, v'là la patate », un film qui a obtenu la plus haute cote dans le TV Hebdo, un 7. Alors, bonjour. Je suis tannée de tous ces boutons. Lucie, petite grosse, pleine de boutons. Mes amis m'appellent pizza, boboule, pustule, cratère, gâteau aux fruits. Ah, j'en ai assez. Et c'est donc Clairasil. Une généreuse couche de Clairasil recouvre et cache les boutons. Il les assomme. J'ai tout essayé. Pourquoi Clairasil serait-il plus efficace? À cause de l'action du benzoyle de propylum, grosse épaisse. D'accord, je vais l'essayer. 3 jours plus tard... Puis, qu'est-ce que t'en penses? Vraiment, je suis vraiment emballée. Merci, Clairasil. Clairasil régulier pour les boutons blancs mous et Clairasil polyphila pour boucher les trous. On vous appelait champ de framboise, on vous appellera dorénavant grosse tartine de Clairasil. Du fin fond des galaxies à la fine pointe de la nouvelle technologie, d'une conception aérospatiale révolutionnaire, voici une invention qui va bouleverser la Terre entière. Cette technologie de l'an 2000 est maintenant à votre portée. Qu'est-ce que c'est? Rien. On vous niaisait. Pour ceux qui écoutent ce disque dans leur automobile, la circulation est congestionnée dans le tunnel Hippolyte Lafontaine. Allons rejoindre immédiatement José Caduc dans l'hélicoptère. Eh bien oui, je m'apprête justement à rentrer dans le tunnel et... Plein de troubles. Une saga interminable qui se passe dans le milieu où il s'en passe. L'épisode d'aujourd'hui, Gladu Gradure. Bonjour, ici Simon Gladu, fils du docteur Gladu, un homme très puissant. Ici Rachel. Rachel Larue? Non, Rachel Larue Gladu. Rachel Gladu Larue? La reine charrue d'Aglu. Ça se peut-tu? Voulez-vous dire que nous nous sommes mariés? Non, j'ai épousé votre père. Mon père est-il au courant? Pas encore. Mais Rachel, tu portes mon enfant en ton sein. Simon, ne parle pas ainsi de ton frère. Mais je t'aime, maman. Qu'est-ce que c'est ça? Que veut dire cette intrigue? Voici un extrait du prochain épisode. Maman! Papa! Fiston! Docteur! Coquet! Oh. Puis un poil sur le coco? Essayez Jungle Head, un produit miracle qui fait pousser les cheveux. Testé en laboratoire sur des vers de terre, des huîtres et des tortues, Jungle Head est maintenant disponible au petit comme au grand public. Écoutons ce consommateur satisfait. J'ai mal lu les instructions, puis après 2 semaines, je m'enfargeais dans mon poil de poche. Écoutons Normand Gauthier. Bonjour, ici Normand Gauthier. Jungle Head est tellement efficace qu'on a dû inventer une formule pour empêcher les cheveux de pousser. La formule Grégoire. Jungle Head et Grégoire Formula, deux autres produits gamiques internationales. Attention, attention. Ici l'horrible et abominable Dr. B. Je viens de scratcher ce disque. Je suis retranché dans ma cachette secrète dans la cave d'un farm escroc Jean Couteux. J'ai le contrôle total de tout. Je viens d'enlever la petite Céline Dion. Si vous ne m'envoyez pas une rançon de 10 000 millions de 1000 dollars, je vais la relâcher. Vous allez mourir. Qui a vu Véru? Plein de troubles. La troublante histoire d'une famille troublée, accablée de troubles. Papa, Rachel va accoucher d'une minute à l'autre. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que tu es gynécologue. Et que Rachel est ton épouse. C'est impossible. Cela veut dire qu'elle est ta mère et que tu es le père de son enfant? Non, elle est ta femme et je suis le père de ton fils et de mon frère, ton filleul. J'aime mieux cela. Bonjour, je vais avoir un enfant. Regardez, il arrive! Oh! Poussez, Rachel, un peu plus à gauche. Le voilà! Nous l'appellerons Bubby! Regardez, on dirait qu'il va parler. Maman, je te hais! Je vous hais tous! Je pars pour le Nebraska! Adieu! Ne me quitte pas, Bubby! Bubby! Que fera le petit Bubby âgé de 26 secondes dans le Nebraska? Retrouvera-t-on sa photo sur une pinte de lait? Voici un extrait du prochain épisode. Mon Dieu, Bobby! Comme tu as vieilli depuis la semaine dernière. J'ai roulé ma bosse. J'ai fait des annonces de course. Maintenant, je suis riche et je prends le contrôle de l'Empire Gladu. Papa! L'informateur incendie. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Mme Rita Labelle, qui était parmi les locataires de l'immeuble qui a brûlé hier rue Notre-Dame. On sait qu'un petit garçon est mort dans cet incendie. Mme Labelle, comment c'est arrivé? Il était 3h de l'après-midi. J'étais étendue pour un somme, puis il y a eu une immense fumée. J'ai juste eu le temps de sortir de l'appartement. Il était 3h de l'après-midi et vous dormiez? Oui. Mais c'est tout à fait irresponsable comme attitude, ça, madame. Ben écoutez, mon mari et moi, on n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Vous trouvez ça intelligent, vous, madame? Si vous n'aviez pas été endormie, vous auriez pu sauver la vie du petit garçon qui est mort. Oh, mon Dieu! C'est épouvantable, ça, madame. Moi, je dis que vous n'êtes qu'une égoïste et une dévoyée sexuelle. Vous mériteriez que je vous frappe. Oui, Monsieur Pascot. Dites pardon, mon oncle. Pardon, mon oncle. Allez-vous recommencer? Non, mon oncle. Bon, je passe l'éponge pour cette fois-ci. Vous avez tout perdu dans cet incendie? Oui, Monsieur Pascot. Étiez-vous assurée, Madame Labelle? Non. Mais c'est dégueulasse, ça. Vous êtes une sotte, une merde, un déchet humain. Oh, ben ça va faire, là, Pascot. Attends que je te pogne. Je vais te poursuivre pour libel diffamation. Bon, elle a raccroché. C'est intelligent, ça. Voilà qui ne fait que confirmer ce que je pensais. Alors, c'était Madame Rita Labelle, la meurtrière de la rue Notre-Dame. Au royaume des cieux, je réserve une chambre, Rosanna. Veuillez vous lever. Agneau de Dieu, à qui échoua les méchouis du monde, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Veuillez vous asseoir. Lettre aux Corinthiens. Soleil magnifique, plage splendide. Bonjour à toute la famille. Veuillez vous agenouiller. Évangile selon saint Hubert. Un quart de Christ. Viande blanche. Debout. Nous levons notre verre. Nous le tournons vers le Seigneur. Donnons-y la tlac. Cela est juste et bon. Il est grand, le mystère de la soif. Alors, se tournant vers ses disciples, il leur dit : ceci est mon pain, livré pour vous. Rassisez-vous. Le sujet du sermon d'aujourd'hui, Jésus le miséricordieux en verbe et contre tous. Jésus dit au tuberculeux, prends ton crachat et marche. Jésus dit au lapideux que celui qui n'a jamais péché lui lance la première bière. Et toi, tu es souillé et Jésus te dit, laisse-moi te débarbouiller. Tu as dérobé et Jésus te dit, je t'en donne 50$. Tu as frappé et Jésus te dit, fends-lui l'autre joue. Coucher. Avec lui, par lui, dans lui, nous attendons ta venue, du matin jusqu'au soir, pour les siècles des siècles. À poil. Bonjour, Monsieur Vermette. Bienvenue chez McDonald's. C'est une commande pour plusieurs personnes. Oui? 3 cheese, 24 McCroquettes, 2 McPoulets, 4 quarts d'olive, 1 McBeth, 3 grosses patates, 2 moyens puis un gros coke. 8 chaussons avec ça? Non, 12. Ça fait 23,50. Bon! Maintenant, pour la deuxième personne, donnez-moi donc un délicieux McCroquettes. Bonsoir, ici Claude Saucé et bienvenue à Téléservice. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Claude. Bonsoir, Claude. Aujourd'hui, on a 2 dossiers, enfin 3 si je compte celui de ma chaise. Et on va parler d'ordinateur. Qui dit ordinateur dit bit. Bon, je vous en prie, Claude. Alors aujourd'hui, on parle d'ordinateur. Enfin, on pose la question, l'ordinateur va-t-il tuer le livre? Mais regardons ça. Mais oui, c'est vrai. Le tuera-t-il? Bon, alors il faut tout de suite préciser un point, l'ordinateur n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Un ordinateur, ça prend quand même un homme pour l'actionner. Ou une femme. Ouais. Alors, Big Brother ou 2001 Odyssée de l'espace, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est de la science-fiction. De la science-fiction. L'ordinateur est notre ami. Notre ami. Il ne faut pas en avoir peur. Pas même un tout petit peu. Pas même un tout petit peu. Ah! Merci, mesdames. Eh bien, place à notre deuxième dossier. Claudette, vous avez enquêté sur le papier de toilette, je crois. Oui, on sait que vous en achetez pas souvent, vous, Claude. Non, mais j'en utilise beaucoup. Claude, c'est quand la dernière fois que vous avez fait la commande? Puis lavé la bolle, hein? Mesdames, on discute de papier de toilette, là, je crois. Oui. Alors, mon enquête montre ceci. Il est beaucoup plus économique d'acheter le papier de toilette à simple épaisseur. Plutôt que le double épaisseur? Plutôt que le double épaisseur. Mais le double me semble tellement plus confortable. Alors là, faut faire attention. Tous les papiers n'ont pas la même qualité. C'est vrai, ça. Il y en a qui font des motons. En conclusion, mesdames, qu'est-ce qu'on peut... on sait bien, vous. Alors, en conclusion, achetez donc du simple épaisseur. Et puis, mon Dieu, si vous voulez du double, ben vous avez juste à prendre du simple et puis à le plier en deux. Pour qu'il nous fasse penser jusqu'à... On veut du rap.